CKRL 89.1. Québec. Cultive tes goûts. Ce soir, à l'aérospatiale, un entretien avec l'artiste Karen White, Ludovic Bonnet expose à la galerie Michel Guimont et les performances de l'e-painting au lieu. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro à votre compagnie pour cette édition du 5 décembre 2017. Et on entame, bien sûr, le dernier 3 avant le congé des fêtes. Il nous reste encore quelques sujets dont on voulait vous parler à l'émission. Et la semaine passée, après une petite pause de l'actualité, on remet les deux pieds dedans, justement, cette semaine, en faisant le tour de quelques expositions qui ont actuellement cours à Québec, bien sûr, et qui ne sont à ne pas manquer, bien sûr. Dans un premier temps, j'aurai le plaisir de discuter avec Karen White au sujet de l'exposition « Lend me your ears »,« Prête-moi l'oreille », qu'elle présente en duo avec l'artiste Florence Yi à Regard. Et ça, vous savez, c'est de l'autre côté du fleuve à Lévis. C'est une exposition qui s'intéresse notamment aux questions de la mémoire familiale, de la construction d'identité. Et bien sûr, ça va nous parler aussi, on va le voir, de leur grand-mère aussi, du rôle de leur grand-mère aussi dans toute cette mémoire familiale et leur identité. Également, Marie-Claire Tremblay sera des nôtres pour nous parler de l'exposition de Ludovic Bonnet à la galerie Michel Guimont qui nous transporte littéralement sous les chatons. Vous savez, ces fleurs qui sont produites par le bouleau et qui parsèment les branches de ces arbres au printemps et qui en font éternuer d'autres également. Donc, elle va nous en donner davantage d'informations tout à l'heure. C'est une imposante installation qui se déploie dans l'espace de la galerie Michel Guimont et je pense aussi avec une exposition en odorama un petit peu aussi. Enfin, on en discute avec elle tout à l'heure. Et en deuxième demi-heure, Julien Saint-Georges Tremblay sera accompagné de l'artiste taïwanaise Li Pingting qui présente au lieu une série de performances ainsi qu'une installation évolutive. Il faut dire, elle est en résidence depuis 3 semaines au lieu et ça va être l'occasion donc pour Julien de faire un retour sur ses performances hebdomadaires qu'elle présente depuis quelques semaines déjà. On va discuter avec elle aussi de sa résidence, du finissage aussi qui aura lieu ce dimanche, qui s'annonce pour être fort intéressant. Et également, elle présentera aussi des ateliers de performance la semaine prochaine. Bref, on va profiter de l'occasion aussi de son passage pour discuter de toutes ces choses avec elle. Et on conclut bien sûr l'émission avec l'agenda de la semaine pour ne rien manquer des événements en art visuel cette semaine. On a une sélection audio de Simon Roy, toujours cette semaine, qui nous présente un artiste originaire de Bend en Oregon aux États-Unis, un compositeur de musique, de films et de séries télé également aussi. Vous allez voir une musique qui est plutôt ambiante. Il s'agit de Colton Tyler Williams. L'album est Radiance of Resistance. On s'en va écouter son premier titre, Patient. Thank you. On débute cette émission en compagnie de Karen White. Bonsoir, Karen. Bonsoir, Audrey. Alors, tu exposes actuellement en compagnie de Florence Yee, Prête-moi l'oreille, qui est présentée à Regard. Une exposition où qui part un petit peu aussi de votre mémoire familiale, de votre relation aussi à vos grands-mères. Bref, c'est quand même une exposition qui, oui, a ses bases-là, mais qui est plus large aussi. Une exposition très intéressante. Enfin, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette proposition que tu nous présentes à Regard, des photos, mais aussi une petite installation avec des haut-parleurs, une projection de diapositives. Enfin, je te laisse nous en glisser un petit mot. Hein. Oui, d'accord. Pour cette proposition au centre, à la galerie Regard, c'était plutôt à propos de, vraiment à propos de l'état de quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et toute l'histoire, toutes les contes familiales, toutes les, je veux pas des bagages, mais toutes les choses qui construit cette personne. Et pour moi, honnêtement, je vais dire que j'ai fait une recherche élaborée sur les récits, sur les traditions orales qui me fait rappeler de ma grand-mère. Parce que la façon qu'elle parle, la façon qu'elle s'exprime, c'est vraiment incroyable. On est comme envoûté, je sais pas si on peut dire ça, mais par ses paroles, elle a elle parle très clairement, elle communique très bien, et sa grammaire pour une personne qui est une immigrante de la Jamaïque est excellente. Elle dit jamais il y a vraiment un rythme et une fluidité, mais vraiment un rythme. Et j'ai trouvé que ses paroles sont vraiment vivant. C'est pas seulement on parle pour discuter sur les choses abstraites, c'est vraiment concret. On sent qu'il y a une vie derrière chaque mot qu'elle prononce, c'est incroyable. Donc, une partie de cette exposition, surtout l'installation sonore, c'est vraiment les petites bribes de sa de son voyage, la façon qu'elle est partie de la Jamaïque et arrivée en Angleterre avec mon grand-père. Mais à travers ça, il y a toujours les petites histoires, les petits contes, mais vraiment sur la vie quotidienne qui sont drôles. Donc, je voulais intégrer la voix de ma grand-mère qui m'a instiguée à investiguer de mes ancêtres. Oui, qui t'a amené à faire ces recherches-là sur ton identité familiale te retrouver. J'imagine aussi de mettre en lien tous ces éléments de ton identité aussi personnelle. Oui. Et donc, vous allez voir dans les œuvres, dans les photographes, qu'il y a comme une tentative de faire un genre de réconciliation avec le fait que je suis née en Angleterre. Je viens vraiment d'Angleterre. Je suis la deuxième génération des immigrants qui sont venus en Angleterre dans les années 50-60. Et ensuite, je suis venue, j'ai comme quitté Angleterre pour venir m'installer au Canada et ensuite au Québec et ensuite à Québec. Et donc, tous les parcours que j'ai faits et toutes... c'est vraiment la recherche aussi de c'est qui je suis-je aussi. Comment je peux me réconcilier toutes les parties de moi qui sont jamaïcaines, british, canadiennes et aussi québécois. Oui, donc, exact. On voit des fois, c'est vraiment des mises en scène avec les faux décors. Et je tiens les objets que moi, je trouve qui m'ont inspiré, c'est les objets qui signifient, qui sont des symboles de la parapluie. En anglais, on appelle ça « brawley ». Donc, ça, c'est « british ». Ça, c'est « british », ça veut dire « britannique », ça veut dire que c'est toute mon éducation européenne. Oui. toute cette côté-là. Anglaise, oui. Anglaise. Et aussi le... Le ballet. Le ballet, c'est l'autre côté. Mais c'est un peu plus large, je trouve, le ballet, parce que ça peut répondre à plusieurs... c'est plus ouvert, je trouve. Oui, mais j'ai entendu un petit extrait audio où tu disais aussi que c'est beaucoup relié à l'univers de la femme aussi. De la femme, de ménage, mais aussi des immigrants, des fois, quand ils viennent ici, et surtout dans le temps des années 50, pour ma grand-mère, c'était... les seuls emplois, c'était de ménage dans les hôpitaux, dans les places où les gens ne voulaient pas travailler. Donc, c'est ça, mais aussi que c'est quelque chose encore plus profond, je trouve. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'amène aussi, c'est dans mon imaginaire de passer à l'Afrique. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment un bassin ancestral que j'essaie d'imprégner dans ces images aussi, et aussi que dans la tradition, surtout des peuples akans qui viennent de Ghana, en Afrique, les porteurs de paroles qui gardaient le dépôt de l'histoire et des valeurs des peuples akans, c'est des femmes. Oui. Des sages femmes, des sorcières, aussi la religion. Donc, la religion qui pouvait être aussi peut-être voodooisme, qui n'est pas mauvais, c'est juste différent. Oui. Et donc, et comme pour rejoindre l'expo de Florence, qui parle de sa grand-mère et ses ancêtres. Et moi, j'ai parlé aussi de ma grand-mère et mes ancêtres. Et donc, ils ont jumelé. Oui, mais il y a un beau dialogue. Un beau dialogue ensemble. Oui, c'est ça. Parce qu'on y voit aussi des questionnements, justement, sur votre identité, à la fois, votre construction d'identité personnelle. Comment vous vous dites, moi, j'ai tout ce bagage, cet héritage familial aussi, comme pour Florence, c'est l'héritage cantonais aussi, puis de voir comment vous jonglez aussi avec cet héritage-là. Puis c'était intéressant parce que je pense, justement, là, tu parlais tout à l'heure de ta grand-mère, on entend un aspect audio. Puis pour Florence aussi, il y a cet aspect sonore-là où on entend, je pense, de la poésie cantonaise aussi. Enfin, c'était intéressant aussi de voir que finalement, vous êtes vraiment rejoints. Il y a un dialogue qui s'établit. Et en même temps aussi, ce qui m'a... Quand tu parlais tout à l'heure de tes photos, il y a aussi quelque chose de ta génération. Enfin, j'ai cru... de ta génération, par là, je veux dire, notamment le triptyque de trois photos où tu es habillée avec un manteau d'hiver, des lunettes, et il y a une photo en particulier, ça me faisait penser à nos photos de classe, moi, quand j'étais jeune, avec les lasers. Enfin, peut-être certains auditeurs vont se souvenir, mais moi, clairement, j'ai dit, mais il y a peut-être un rapport avec la culture où elle a grandi, ou peut-être des clins d'œil à cette culture québécoise. Je vais dire québécois parce que j'étais une photographe écolier. OK. Et donc, j'ai utilisé tous ces objets, toutes ces... mais vraiment, mes instruments de travail. pour redonner une autre façon. Donc, c'était un faux décor. Presque toutes sont des faux, mais ils ont tous les faux décors. Ils parlent d'autres choses. Mais je voulais aussi comme réapproprier ces outils de travail pour, premièrement, c'est écolier. Deuxièmement, c'est québécois. J'ai travaillé ici, à Québec, comme photographe écolier. Et en réapproprier certaines... outils, j'ai modifié ça pour raconter encore une autre histoire. Exactement. Donc, imprégner une autre histoire de mon enfance et aussi comment les enfants s'habillent. Donc, les enfants aiment ça, se déguiser. Et donc, je me suis déguisée dans quelque chose que j'ai rêvé et quelque chose que j'ai vu. Et en partager ça, mes rêves avec les gens qui viennent d'Afrique, pour eux, ce genre de choses signifie quelque chose. C'est pas aléatoire. C'est pas comme, oh, c'est intéressant ça. Oh, c'est, wow, c'est cool. Non, ça signifie quelque chose. Mm-hmm. Et quand on voit un hibou blanc, ça veut dire quelque chose. Oui. Et donc, je voulais imprégner ça dans le faux décor de Québec. Oui. Écolier. Puis aussi quelque chose de... J'aime ça, l'improvisation, le jeu. Je trouve que c'est absurde aussi. Il y a beaucoup mm-hmm. d'absurdité dans mes photos performatives. Mais aussi léger aussi. Mais je pense que pour un enfant aussi, et si vous venez avec une ouverture d'enfant, vous allez voir que c'est plaisant. C'est vraiment joie. Oui, il y a beaucoup de jeux. Oui, très, très jovial aussi. Jovial, oui. Sympathique. Ce triptyque-là. Oui, oui, oui, oui, particulièrement. Puis, comme tu l'as souligné, puis je pense encore là avec Florence où vous vous rejoignez, on est beaucoup dans le symbolisme aussi, mm-hmm. dans les objets qui signifient quelque oui. chose, mais qui ont un symbole parfois fort, à la fois pour nous aussi, comme visiteurs, hein, on regarde ça, des objets ou des mises en scène qui nous rappellent aussi oui. des fois des éléments de ces cultures-là, oui. mais qui peuvent symboliser autre chose oui, il y a beaucoup aussi de... pour vous. Mm. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de... d'interrogations sur comment reconstruire, comment reconnecter avec le passé dans le sens que des fois on se sent un peu perdu et moi aussi j'ai pensé. Il y avait un temps où j'étais pas ni britannique, ni québécois, ni canadien, ni québécois. Mm-hmm. Donc, il fallait que je me trouvais. Et en faisant ça, c'est comme un peu d'autres nations aussi, d'autres peuples qui ont une connexion. C'est soit à travers la religion, soit à travers les rites, les, mm-hmm. Les rituels. Et donc, des fois, quand on visite un musée, on voit les instruments, les objets qui viennent d'ailleurs. Et ces objets-là, moi, je ne peux pas avoir l'accès à ces objets-là. Oui. Mais ces objets veulent dire quelque chose. Ils étaient utilisés vraiment dans un rituel en Afrique, quelque part. Donc, moi, j'ai décidé de ritualiser mes objets. Mm-hmm. Donc, il y a comme un tambour. Oui, exact. Et aussi une... Oui, oui, exactement, un chaudron. Un chaudron, là, marmite. C'est quand même intéressant ce contraste. Oui. Puis t'es comme une espèce de déesse aussi, oui. un genre de déité intéressant. Et ça, c'est vraiment une... j'ai choisi le titre qui s'appelle « Ashaba, aucun être humain ne peut la regarder directement ». En mm-hmm. anglais, c'est « Ashaba, no human can look at her directly ». Elle vient d'une mythologie... De l'Afrique, puis ensuite disséminée vers les Caraïbes, même au Brésil. Mm-hmm. Donc elle, Ashaba, elle est une déesse oui. qui est déesse de toutes les choses qui sont vivantes et aussi des eaux. Oui. Et vous allez voir, surtout au Brésil, beaucoup de références à Ashaba. C'est intéressant, ça. Et donc, pour moi, je me sentais dans cette œuvre-là, dans cette photographe mise en scène, où je suis tout nue, mais la torse est couverte oui. avec un rideau oui. qui cache mon visage, oui, jusqu'aux mes genoux. Ça parle vraiment de... Des fois, je me sens invisible et personne me voit directement. Mm-hmm. Donc, puis ça parle aussi de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de références dans mes photographes. Des fois, ça parle de la femme comme le sang. Mm-hmm. Oui. Donc, la menstruation. Mm-hmm. Ça, c'est féminine. Ça parle de la condition féminine. Oui. Ça parle aussi de l'esclavage. Et comme je suis sur un petit escabeau, je me sens comme je suis sur quelque chose dans un camp oui. de mes ancêtres. Oui, comme sur une scène, un peu surélevée. Dans une scène oui. surélevée. Donc, mais oui, il y a aussi le tambour que je ne joue pas, mm-hmm. je le montre. Oui. Donc, ça, c'est une petite histoire derrière le tambour et la marmite, mais mm-hmm. je pense que c'est universel aussi. Oui. Donc, on peut vraiment projeter plusieurs choses dans cette œuvre, mais je pense pas que ça limite le spectateur. On peut vraiment jouer puis vraiment saisir plein de choses pour soi. Et c'est ça que je voulais faire. Je voulais ouvrir la conversation vers la diversité, la façon que d'autres personnes, un peu marginalisées dans les arts contemporains. Ben, en tout cas, c'est vraiment une exposition, je trouve, qui est très d'actualité aussi avec les questionnements sur l'immigration ces dernières années, sur oui, exactement. Justement les gens qui arrivent ici, qui se questionnent où on a à se construire aussi au travers de tout ça. C'est pas d'aujourd'hui, mais quand même, ça reste très, très près de nous. Mais enfin, une exposition qu'on se doit d'aller voir. Et très rapidement, Karen, tu voulais nous dire qu'il se prépare quelque chose, je pense, oui, c'est ça. Prochainement. Donc, pendant le dernier week-end, fin de semaine de l'exposition, je vais faire une performance. Donc, c'est samedi le 16 décembre à 3h à la galerie Regard. Donc, c'est samedi le 16 à la galerie Regard à 3h. Parfait. Donc, on va avoir l'occasion d'aller te voir en performance et aussi, en même temps, te rencontrer pour discuter de cette très belle exposition avec Florencie. Je le rappelle, prête-moi l'oreille à Regard. Eh bien, Karen White, merci beaucoup d'avoir merci été beaucoup. Avec nous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, on fait une très courte pause audio et on revient avec Marie-Claire Tremblay. Et voilà, on poursuit cette émission en compagnie de Marie-Claire Tremblay. Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir, Audrey. Donc, tu es allée voir cette exposition de Ludovic Bonnet qui est présentée à la galerie Michel Guimond. Comme je disais d'entrée de jeu, ça s'appelle « Sous les chatons ». Enfin, parle-nous de cette exposition qui est assez de l'ordre de l'expérience, je pense. Hein? Oui, tout à fait, de l'ordre de l'expérience. Puis bon, cette chronique-là aussi me sert un peu à terminer l'automne sous le thème de l'art public. Oui. Ludovic Bonnet fait énormément de productions d'art public. Et en visitant cette exposition-là, je me rends compte aussi qu'il y a quelque chose qui rejoint ce que j'apprécie particulièrement de l'art public, c'est-à-dire l'accessibilité de ces œuvres-là, la démocratisation. Hein, je trouve que ça concourt à ça, justement, avoir des œuvres dans l'espace public qui sont accessibles à tous. Et je trouve que cette exposition-là remplit ce rôle-là mm-hmm. de démocratiser justement l'art. C'est une exposition aussi très, très accessible. Et donc, Sous les chatons, comme tu l'as dit, en fait, c'est une installation immersive. Et attention, il y a pas moins de 15 000 pièces colorées qui sont suspendues dans la galerie. C'est comme des genres de formes allongées qui sont réalisées en céramique. Il y a toute une équipe qui a participé à la réalisation avec la céramiste Lauriane Thibault, hein, qu'on connaît. Oui, Thibaudeau, oui, ici, oui. Thibaudeau, oui, tout à fait. De couleurs très, très variées. Et donc, au premier coup d'œil, ça nous fait percevoir l'espace de la galerie vraiment d'une autre manière. l'artiste a volontairement aussi enlevé les fauteuils de la galerie. Donc, c'est vraiment très installatif. Au centre, il y a aussi un genre d'amoncellement de sapins. Donc, on a une impression. Hein, aussi. Oui, tout de suite, quand on entre, on est vraiment dans quelque chose de festif. On sent qu'il y a un clin d'œil aussi au temps des fêtes, clairement là-dedans, par cette odeur-là, par les couleurs. Mais donc, ce regroupement de petites pièces, il ne faut pas le négliger. Il y a une forme, il y a quelque chose qui est fait tout en courbe, qui est comme un peu du genre du dôme ou de la voûte, donc qui est fort agréable pour l'œil. Et ce qui s'est passé pour moi dans cette visite-là, c'est vraiment qu'on est happé aussi par l'individualité des pièces, parce qu'il y en a tellement, c'est monumental, et les couleurs sont très attirantes, donc on se promène et notre regard joue un peu, s'amuse dans cette multitude-là, mais ce regroupement, la masse, c'est quelque chose de très construit sur laquelle a travaillé l'artiste vraiment. Il y a comme des modulations, en tout cas c'est vraiment à voir. Et le titre « Sous les chatons », ben tout de suite on plante un peu ce que c'est. Ça vient de l'idée de la nature. Plus précisément, les chatons du boulot, hein, c'est les fleurs, c'est les semences. Donc, oui, c'est ce qui pendouille un petit peu des boulots. L'artiste me disait qu'il y a un boulot près de chez lui, ainsi que près de l'atelier. Donc, vraiment, il est sensible à son environnement, aux petits détails. C'est assez intéressant. D'ailleurs, je constatais ça aussi. J'écoutais une vidéo de lui là, concernant une œuvre, Cosmologie sans genèse, qui est au Musée national des beaux-arts. Oui. Et c'est exactement ce qu'il disait. Il disait que pour un projet d'art public, il va souvent se servir du point de départ du lieu, de petits détails qu'il va voir lorsqu'il va aller visiter ce lieu-là. Et bon, il y aura une construction, un déploiement artistique très conséquent, mais le point de départ va être des petits détails observés. Mm-hmm. Donc, l'idée du chaton, ben là, vraiment, ça rejoint tout ça. Il y a aussi la présence de fils de pêche, parce que, bon, ces œuvres-là sont suspendues. Oui. Et donc, ça concourt au dynamisme, parce que il y a comme un... l'air ambiant crée un léger mouvement aussi dans les chatons. La ventilation, exactement, sans être très fort. Puis, ils sont aussi accrochés de hauteur à hauteur différente, donc vraiment, ça accentue ce dynamisme-là. Et justement, le fait qu'on voit les fils, ben là, ça nous ouvre tout sur le côté technique. Et quand on s'y arrête, c'est hallucinant quand même, le travail technique qui a été fait, parce que juste la présence de 15 000 pièces, c'est un défi au niveau de la production. Effectivement. Puis je parlais avec Lauriane, justement, hier soir, qui a été en charge de la production de ces pièces-là. D'ailleurs, hein, Ludovic Bonny travaille beaucoup avec des gens de Québec. Il trouve ça très important aussi de laisser la place à des artisans, des artistes de Québec. Puis Lauriane me disait aussi à quel point, justement, ce genre de défi technique-là, parce que pour elle, ça en a été un, nourrit en fait son travail, parce que ça lui ouvre les horizons sur d'autres possibilités, finalement. Mais donc, en fait, il faut savoir qu'il y a eu quand même la mobilisation d'une équipe de 8-9 personnes pour la réalisation de ces pièces-là. Il y a eu une recherche de procédés, comment faire pour mouler autant de pièces. Le premier chaton, elle me racontait ça d'ailleurs, que le premier chaton a été imprimé en plastique à la Chambre blanche. Pour des raisons techniques, celui-ci pouvait pas servir au moule de production. Donc, c'est vraiment un autre chaton de caoutchouc qui a été utilisé, et ça, après une étape au silicone. Donc, tu vois, il y a déjà plusieurs étapes. Puis au total, c'est vraiment 30 moules de plâtre qui ont servi à réaliser les 15 000 chatons. Donc vraiment quelque chose d'assez complexe. Il faut penser aussi qu'il y a quelqu'un qui a façonné de ses mains aussi les anneaux de métal qui tiennent ces chatons-là. Le montage, ça a été extrême. Là, on a vu l'évolution aussi de la part de la galerie Michel Guimont. 6 jours de montage. Puis avant ça, il y a eu vraiment beaucoup de temps aussi à faire des trous dans les toiles du plafond. On a retiré le plafond, oui. Oui, c'est ça, pour en mettre d'autres. Mais donc, ce qui m'interpelle aussi dans cette œuvre-là, quand je dis que c'est une œuvre démocratique, c'est que ça démocratise l'achat de l'art, parce que chaque chaton est en vente au coût de 5 $. Oui, hein, quand on dit que c'est pas accessible, l'art, ben là, c'est si vous avez pas 5 $ à mettre. C'est ça, exactement. Et ce que je trouve chouette aussi, c'est la place que l'artiste a laissée au public. Parce que vraiment, les gens sont appelés à aller couper leur chaton. Il y a des ciseaux officiels, là, pour cette procédure. Donc, on peut choisir ces chatons et on les amène à la maison. Et là, c'est comme si on se créait une autre œuvre oui. avec les pièces de Ludovic. On joue l'artiste à la maison, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et je posais cette question-là à Ludovic, justement, cette place-là qui est laissée aux spectateurs, aux gens, en fait. Et il me disait qu'effectivement, c'est quelque chose de nouveau dans sa pratique. Ça provient probablement de plusieurs applications qu'il a fait pour des projets en art public, en médiation culturelle, mm-hmm. Bon, qui n'ont pas abouti, mais dans lesquelles on lui disait, ben oui, laisse un petit peu plus de place aux gens. Et c'est pile ça qu'il fait, en fait, pour cette exposition-là. Donc, vraiment, laisser les gens créer leurs œuvres. Donc, vraiment, quelque chose de fascinant, je trouve, mais vraiment à aller expérimenter in situ. Je le dirai jamais assez. Il y a plein de photos qui ont circulé, qui étaient super chouettes, mais il faut aller la vivre, cette œuvre-là. Oui, puis surtout que certains des chatons vont avoir disparu aussi, donc exactement. On va en avoir une autre vision. Tout à fait. C'est une œuvre évolutive, puis c'est pas un mini modèle d'une œuvre d'art public de Ludovic Bonnier. C'est complètement autre chose. On mm-hmm. est dans l'installation. C'est quelque chose de nouveau aussi pour l'artiste. Donc, c'est vraiment intéressant. On reconnaît quand même les couleurs de l'artiste parce qu'on y voit les couleurs puis sa propension aussi pour l'assemblage. Donc, allez voir. Et c'est prolongé, cette exposition-là. C'est maintenant jusqu'au 7 janvier. Donc, ah, super, ça! Oui, on peut y aller pendant le temps des fêtes. On peut y aller pendant le temps des fêtes. Vous êtes invité aussi à consulter le site web de la galerie Michel Guimond pour avoir un petit peu plus d'informations sur les heures d'ouverture. Donc, vraiment, je le conseille. Ben, ouais. Merci beaucoup. En tout cas, tu nous as donné le goût d'aller faire un petit tour justement du côté de la galerie Michel Guimond pour découvrir ce travail de Ludovic Bonnet, on le rappelle. Merci beaucoup, Marie-Claire. Ben, ça m'a fait très grand plaisir. Alors, on s'en va en pause publicitaire et on revient de l'autre côté pour la deuxième demi-heure. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde, animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Pourquoi être membre de CKRL? Pour découvrir en musique les talents d'ici, et aussi parce qu'à l'achat de billets de spectacle au quartier de Lune à Limoilou, vous recevez le deuxième gratuitement. Certaines conditions s'appliquent. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. Vous écoutez CKRL 89.1. Spatial. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatial en compagnie de Audrey Caro et je suis en compagnie de Julien Saint-Georges-Tremblay. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Audrey. Alors, je t'avais amené en mission, à vrai dire, donné une mission comme ça à laquelle tu as répondu présent, donc, parce que il y a l'artiste taïwanaise Li Pingting qui est actuellement en résidence, exposition, performance au lieu. Et elle présente fréquemment, à chaque semaine, depuis 3 semaines, donc des performances. Et tu as assisté à certaines d'entre elles. Exactement. Pour nous. Donc voilà la petite introduction. Mais je te laisse nous parler un peu de ce que tu as vu et du projet de Li Ping. Et Li Pingting qui est aussi en studio avec nous. C'est ça, on va pouvoir en discuter avec elle. Oui. Parce que c'est ça, j'ai assisté, mais c'est évidemment Madame Li Ping qui a été l'instigatrice de tout ça. Donc, comme tu l'as dit, taïwanaise. Hein, donc, fait sa formation à Paris. J'ai vécu à Paris très longtemps. Oui. J'ai aussi française d'une certaine façon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je partais, j'ai 24 ans, 25 ans à Taïwan. Et l'autre 25 ans, j'étais en France. Maintenant, de nouveau, je suis entre les deux. Donc, on travaille un peu sur les deux continents. Aussi en Chine, j'imagine aussi. J'ai beaucoup voyagé. J'étais en Afrique quand j'étais jeune. J'étais souvent en Afrique. Et j'étais en Asie centrale. J'étais chez des nomades, Turquie. Okay. J'étais en Inde. En Chine aussi, par l'art de travail, j'ai rencontré différentes personnes et aussi différents ethnies, y compris mon voyage personnel d'aller visiter différents aborigines de Chine sud-ouest. D'accord. Et de rencontrer la musique. Oui, c'est et ça. Et une façon musicologique, je suis très intéressée à mon voyage souvent. OK, d'accord. Donc, c'est ça, les spécificités de la musique de différentes cultures, admettons, comment ils s'expriment par les sons et tout. Donc, c'est ça, on pourrait dire qu'on spécialise dans la performance sonore, performance musicale? Je suis intéressée à beaucoup de choses, mais j'ai eu travaillé sur John Cage et tout de l'année après 50, de tout de mouvements de pensée musicale, aussi laboratoire de Cologne. Et je suivi beaucoup de compositeurs à ce moment de la pensée, y compris Luigi Nono, Gagel et d'autres gens de Cologne. Je suis de pensée de Cage et ainsi j'ai exploré quand j'étais étudiant de Paris 3, de travailler sur le Beckett, mais utiliser la musicalité. C'est-à-dire la pensée contre la musique contemporaine, y compris des poésies sonores, l'étrisme, tous ces déploiements sur le sens de théâtre, comment il voit l'univers interdisciplinaire et entre choc ou résonance. D'accord. Pour créer, dans le fond, un environnement vraiment. Parce que c'est ça un peu dans les performances. Hein. On sent qu'il y a comme une. La musique est très importante, les sons sont importants, mais c'est pas juste pour le son. On sent que ça. Qui a vraiment un lien avec la gestualité. Hein? Mm. Donc, j'ai le thème de théâtralité, moi, je l'ai vu, on le sent tout de suite. Hein? C'est-à-dire que, peut-être qu'on. Évidemment, il n'y a pas nécessairement de texte, mais c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une évolution narrative dans vos performances ou. Peut-être au lieu de parler de cela, je préfère que ce soit facile pendant le workshop. J'ai amené le sujet de Artaud. Artaud, le texte Artaud était aussi une personne entre surréaliste et qui n'est pas entre le poète et le théâtre de l'homme de théâtre. Mais cependant, son théâtre et la recherche tout d'anthropologie chimique, de procédures de création chimique. Donc, je considère théâtre dans ce sens créatif, chimique. Alors là, oui, je me focus dans ce sens-là. Sinon, dans le sens théâtre qu'on mentionnait, qui est un stage show, je crois, je essaie d'éviter toute forme de représentation. Cependant, je suis d'accord, dans le temps, en danse de cet espace-temps partagé avec audience qui est présent, ou même par FP, c'est un espace-temps commun qui partage entre deux énergies, c'est-à-dire l'énergie qui est en train de visiter et partager, et une autre énergie, je voudrais y parler. J'y engage et j'aime ce rapport interpersonnel qui se présente dans cet espace-temps commun. Voilà. D'accord. Puis, si je peux me permettre, moi, c'est qui m'a beaucoup fasciné dans vos performances oui. aussi, qu'on peut d'ailleurs suivre, hein, parce qu'il faut le dire aux auditeurs, c'est quand même très généreux de votre part parce que, vous, oui, vous êtes en résidence, mais depuis la mi-novembre presque, vous faites 4 performances accessibles au public à chaque semaine, qu'on peut voir également aussi sur, via Facebook, hein, Facebook Live. Oui. Donc, même on peut les revoir en différé ici. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que vous avez fait un lien avec... Vous n'êtes pas toujours seul lors oui. de vos performances. Il y a ce pont qui a été fait aussi avec... je pense à Isabelle Clermont, par exemple, oui, avec la harpe. Moi, j'ai adoré cette performance-là. il y a, oui, une énergie, il y a un investissement aussi dans vos performances. Le fait que vous êtes en résidence, on arrive au lieu et on sent que vous habitez l'espace, que c'est un laboratoire, finalement, pour vous qui se modifie, se module, se transforme. Enfin, qu'est-ce qui vous a incité à vouloir collaborer avec des gens ici que vous ne connaissez pas finalement? En fait, j'ai essayé d'ouvrir, c'était dans mon procédure de proposition mm-hmm. pour comment live performance art, poésie, pour moi, c'est poésie à action. Que je m'amène dans l'expérimentation en procédure et qui installe, qui d'abord est installation et au fur et à mesure, c'est l'écriture d'installation qu'on continue à interroger, soit toujours seul, soit il y a des invités qui viennent me soutenir et qui créent une autre animation mm-hmm. ou collaboration ou l'autre sens qui peut ramener l'écriture continue à écrire toujours. Et poser des questions. Je pense que ça, c'est essentiel pour l'art, mmh. et surtout quand de live art, une performance qui va rendre in situ l'art est une substance vivante qui devrait continuer à écrire ainsi et n'est pas jamais installée complètement. Bien sûr, quand j'ai invité des amis, certains je les connaissais à travers les workshops, et certains, en fait, je les remercie beaucoup de me soutenir, mais il faut dire, j'ai aussi très peur. D'abord, je considère que je n'ai pas encore très mûr pour partager entre l'espace installation et l'espace à performance. J'ai quand même mon subjectivité de matière, que c'est une chose qu'à cause de l'architecture, je ne peux pas laisser que eux librement engager dans mes pierres sur le mur parce qu'il y a l'histoire de bois, etc. Mais bon, en tout cas, ils sont très généreux de venir partager, soit avec leur son, soit avec leur art son, soit avec leur performance même. Y compris c'est un projet à eux, dans la ligne rouge que soudain j'ai essayé de créer une ligne noire pour y confronter ou pour y collaborer. Voilà. Et aussi une autre forme, c'est qu'en France, en fait, j'avais longtemps dans la musique expérimentale et dans la musique action de festival, par exemple, en France, l'Est, qui sont des grands festivals d'improvisation, musique qui vient de tout le background, compris musique contemporaine, musique rock, puis toutes sortes de musique, free jazz surtout. Ils sont très ouverts à le corps en engagement, en action, mm-hmm. y compris des poètes ou de musique contemporaine qui vient faire de l'écriture, tout simplement, ou expérimentale. Donc, c'est dans cette culture-là que j'étais très nourrie et j'étais beaucoup expérimentée longtemps. Donc ici, je considère l'art était indisciplinaire, d'abord tout, et s'il est d'écriture qui continue à avoir cet sens de continuum, tous les tas de collaboration sont possibles. Mm-hmm. Okay. Il suffit, évidemment, j'ai toujours mon subjectivité encore, de cet empattage de l'espace ou mon écriture qui continue à insister, c'est une chose dont il n'est peut-être pas si soft, si facile comme dans la musique improvisée. On vient 3 formations différentes et soudain on se met à l'écriture indépendante et on y voit si on rencontre ou pas. Mm-hmm. Que là, il est peut-être ouais. un peu plus restreint pour ça. Et... Mais on va voir le concert de 10 décembre. Oui. Ce sera oui. vraiment une forme de concert expérimental. Quoi. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Dans le fond, puis le travail collaboratif, est-ce que vous le voyez vraiment, ben, vous l'avez décrit un peu, l'improvisation, mais est-ce que tout de même, avant, admettons, une préparation, une sorte de discussion pour placer peut-être des éléments pour la performance conjointe ou sinon c'est vraiment... on se lance, on crée. Je distingue ici, je dis que je insiste encore sur mon écriture d'installation et aussi au niveau de matière. Il y a une forme architecture que je ne peux pas y toucher immédiatement, mm-hmm. donc je fais quand même des limites. Oui. Mais okay. En même temps, j'ai essayé de laisser maximum ouverture à l'intérieur. Par exemple, Philippe me demandait s'il peut performer aussi avec l'encre. Donc, je partage mon encre, je l'ai dissolue avec plus de l'eau. Mais je lui dis, pour faciliter Fred de mm-hmm. travail, je gardais un côté sale, l'autre côté extrêmement propre pour faire ces contrastes. Et ça crée aussi des tensions entre deux matières aussi. Mm-hmm. Donc, il accepter aussi ça. Donc, ainsi, la collaboration pourrait se faire. Ouais. Et Isabelle, évidemment, il voudrait venir avec un projet de ligne rouge. Mm-hmm. Je n'ai pas très bien compris, mais j'ai essayé de dire oui, certaines choses que je peux et certaines choses peut-être il faut que je limite. Oui, mais quand il est arrivé, bien sûr, il peut se déplacer librement. C'est simplement moi, je me mets ma limite, rester sur mon table noire. Oui. Et je lui dis aussi mon écriture qui va insister sur ce paramètre de limite. Okay. Voilà. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est plus de vraiment une rencontre, puis comme vous dites, c'est ça, de l'improvisation à deux qui forme une œuvre conjointe finalement. OK. Bien sûr, mais je suis aussi très claire en disant que c'est ma rééducation. Sans ma résidence, ma écriture, ton installation qui peut rester lentement, mais quand Philippe va venir lentement, soit je préfère qu'il revienne neutre. Aussi obligé, je dis. Bon. Non, ça, c'est intéressant. C'est pas par la c'est plus par la limite que par on va justement faire une écriture avant la performance. Elle se fait sur le coup. Mais je crois si dans un laboratoire, un groupe, par exemple, il y a un groupe qui fait une résidence dans un lieu assez grand. Et à ce moment-là, on peut se permettre aussi, même interaction qui réagit et se sont trouvés dans beaucoup d'espaces alternatifs, en fait. Juste avant de conclure, malheureusement, cette discussion va très, très vite. Mais moi, je voulais juste souligner ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que même si la performance, il y a aussi beaucoup d'inconnus aussi dans tout ça. En tant que spectateur, on ne sait pas ce qui va arriver, mais reste que moi, ce qui m'a fascinée de vos performances, c'est toute cette poésie à la fois visuelle, sonore, puis ces éléments qui reviennent d'une performance à l'autre, en les voyant les unes derrière les autres, on entre dans votre univers, puis justement ces rapports, à l'écriture, au texte, mais aussi parce qu'à un moment donné, vous devenez comme une sorte de plume, finalement, en vous enduisant d'encre, en écrivant ou en faisant des choses au mur. Il y a la plume aussi qui est très présente. Enfin, il y a beaucoup de poésie, je trouve, au travers de tout ça et qui nous emmène, nous transporte dans votre univers, même si on ne comprend pas tous les éléments aussi, tous les référents en même temps, mais il y a vraiment quelque chose de très, très fort et de très, très poétique dans votre approche, je trouve, et qu'on peut voir au travers de ces belles performances qui sont diffusées aussi en différé également, mais l'idée c'est quand même d'aller les voir sur place aussi. Et on rappelle, vous le disiez rapidement tout à l'heure, mais il va y avoir vraiment un finissage très important ce dimanche 10 décembre où vous serez en performance mais accompagné aussi. Pouvez-vous nous dire qui seront vos acolytes? Il y avait Rémi qui sera en violoncelle et Isabelle Clément qui sera en harpe électro, l'objet. Parfait. Voilà. Et ce jeudi, vendredi, samedi, je continue. Oui, exactement. Et ce jeudi, ce sera, je ferai très minimal, mais une invitation que Geneviève de Roy, qui va danser un infini, un siècle, sur des selles blanches que je vais faire en action avec elle. Et vendredi, samedi, je crois que je serai seule, mais je vais retravailler sur le nom chinois. Et pour faire une empreinte avec des concepts qui sont parallèles, ces jours-là, en répétition. Et samedi, peut-être, je reviens sur le pierre sonore. Voilà. Parfait. Enfin, c'est Très inspirant tout voilà, ça, puis on a vraiment hâte de les voir, ces performances. On vous invite à y aller, parce qu'il faut dire, le lieu, c'est la première fois que cette résidence aussi, en même temps, où on peut voir un artiste pendant ces trois semaines-là. Vraiment, bravo. Hein. Je regarde, vous pouvez pas me voir, mais je regarde Patrick Dubé ici, du lieu qui est là avec nous, mais quand même, c'est très intéressant cette formule ici et les possibilités que ça ouvre également. Donc, on le rappelle, finissage ce dimanche, donc à ne pas manquer, 10 décembre, c'est à 19h également, et on va voir aussi les performances de Dolly Ping également aussi tout au long de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de cette résidence. Merci beaucoup, Julien, d'avoir suivi et de suivre aussi pour ces performances. On va en parler peut-être dans une autre émission. Oui, exactement. Ah. Alors, on s'en va en pause audio et on vous revient avec l'agenda de la semaine de l'autre côté. Eh bien, on va conclure cette émission avec l'agenda de la semaine. Plusieurs événements à souligner cette semaine. Ce jeudi, la Chambre Blanche vous invite à une soirée de design fiction le 7 décembre, donc jeudi à 18h30, en compagnie de l'artiste Andréane Blackcott, et qui est en résidence depuis la fin du mois de février cette année, donc jusqu'en février, la fin février 2018. L'artiste a préparé deux mises en situation. L'une sera à la manière de Alfred North Whitehead et l'autre à la manière de Michael Jackson. Le but de ces deux mises en situation sera de comparer le contexte et de mettre en perspective le statut de piéton. Et oui, effectivement, Andréane travaille actuellement sur un projet visant à améliorer la qualité de la mobilité des personnes en tant que valeur pour valoriser un modèle d'interaction entre l'art et la science. Par la suite, il va y avoir une période de discussion et le but de la soirée de stimuler la réflexion en lien avec la posture du piéton. Finalement, les informations qui vont être recueillies au cours de cette soirée-là vont lui servir pour son projet de recherche aussi universitaire. Alors, à ne pas manquer à 18h30. Sinon, jeudi aussi, à partir de jeudi, il y a également une exposition qui est présentée aux ateliers du roulement à billes. C'est Pingo de Marco Tonic. C'est une exposition vente où on pourra y trouver des toiles et des céramiques. Et c'est des pièces à partir de 25 sous. Hein, on en parlait tout à l'heure avec Ludovic Bonnet à 5 $. Bien là, ici, c'est pas très, très cher. C'est le lancement vernissage, donc à compter de 16h30 ce jeudi. Il va y avoir de la musique live, mais c'est ouvert jusqu'au 11 décembre, donc le 8, 9, 10, 11 décembre, de midi à 18h, aux ateliers du roulement à billes. je le souligne, sur la rue Sainte-Hélène à Québec. Également, on a ce vendredi, bien sûr, la grande furie féerique de l'œil de poisson, un party bénéfice qui se promet assez mémorable. On y retrouve une brochette étincelante de DJ dans un combat pour couronner le ou la meilleur DJ de l'histoire de l'œil. Bien sûr, une soirée ne serait pas complète sans la participation de plusieurs artistes. Certains vont, les artistes vont se transformer en stylistes car certains d'entre eux vont avoir créé des éléments de costumes qui pourront être portés par les volontaires qui le voudront, donc qui voudront faire pimper leur tenue pour l'occasion. Il y aura également des expérimentations photo-vidéo, bref, une scénographie très époustouflante, nous promettons, et plusieurs autres surprises. Vous pouvez réserver votre billet, c'est au coût de 15 $ cette soirée-là. Et c'est à la Grande Galerie de l'Œil de Poisson sur la côte d'Abraham. On peut acheter son billet en ligne ou directement à la porte. Sinon, dimanche, on le rappelle, c'est le lieu qui présente justement le finissage de la résidence exposition de Les Painting. À ne pas manquer, c'est à 19h, donc au 345 rue Dupont. Et c'est la dernière semaine pour voir Contrebalancer de Nathalie Quagliotto à Espace Parenthèse. Et également, dimanche, on peut voir jusqu'à dimanche donc l'exposition de Louise Laroche et Myriam Bouchard au 291 rue Christophe-Colomb-Est, appartement 204 et 205. On termine ainsi l'émission donc cette semaine de l'aérospatiale. Je vous invite à consulter notre page web l'aérospatiale.ckr.wordpress.com et notre page Facebook et notre Instagram. Merci à nos invités ainsi qu'à nos collaborateurs de cette émission. La mise en onde est assurée par Jacques Gignac, notre grand Manitou de la console. Salutations à Gentiane La France et soyez des nôtres la semaine prochaine. On vous présente un entretien avec les trois lauréats des prix Videri. Demeurez à l'écoute. Pierre Blais et toute son équipe vous attendent pour l'émission Situation critique en direct de la Ninkasi et moi je vous dis à la semaine prochaine, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. 4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec. Salle Albert Rousseau. L'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde, animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Mais l'hiver, faut qu'il résorbe. C'est pour ça que j'ai calfeutré toutes mes fenêtres. Calfeutrez vos fenêtres et évitez de perdre jusqu'à 25% de la chaleur de la maison. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. Mon beau sapin rend des feuilles. J'ai pas vraiment besoin que tu sois allumé la nuit. J'éteins donc toutes mes lumières extérieures avant d'aller me coucher. Éteignez vos lumières extérieures la nuit et économisez jusqu'à 40 $ par année. Visitez mieuxconsommer.ca pour plus de détails. Un message d'Hydro-Québec. En décembre, au Cinéma Le Clap, 16 nouveautés dont 3 affiches tout près d'Ebbing, Missouri dès le 1er décembre, Noël et compagnie dès le 6 décembre, The Breadwinner dès le 8 décembre, Le sens de la fête dès le 15 décembre, All the Money in the World dès le 22 décembre et Le Maître de la scène dès le 25 décembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! En direct de la Ninkasi Saint-Jean, voici Situation critique. C'est cela, oui. Une présentation du cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? En décembre, au cinéma Le Clap, 16 nouveautés dont 3 affiches tout près d'Ebbing, Missouri dès le 1er décembre, Noël et compagnie dès le 6 décembre, The Breadwinner dès le 8 décembre, Le sens de la fête dès le 15 décembre, All the Money in the World dès le 22 décembre et le maître de la scène dès le 25 décembre. Regardez ça, c'est magnifique, c'est la nature. Pierre, c'est très gênant. Bon cinéma,